Orala. Ouais. Illégal du Records. N2S. Oumna. Oumna, t'as pas remarqué les gens comment ils nous appellent des fois, sérieux? Trop façon bizarre, hein. Non, chelou. Je crois que j'ai déjà tout entendu, hein. Arrête, je te jure, on nous appelle trop bizarrement. Comment? On m'appelle isolé quand je me plante pour fumer et écrire ces quelques versets. On m'appelle aussi le démotivé parce que personne n'arrive à me raisonner. Condamné comme un gars emprisonnier, on m'appelle le vengeur masqué. Je sors que la nuit car c'est là où je suis le plus apprécié. On m'appelle l'enculé parce que trop de fois je me suis embrouillé. On m'appelle le désordonné car au long de ces années j'ai pas su prier et mon cœur a fini déchiré. On m'appelle le médecin parce que mes cicatrices sont les blessures que j'ai dû moi-même recoudre. Et je me rends compte qu'avec les années c'est les problèmes que je n'arrive plus à résoudre. On m'appelle le maçon car je travaille au pied des poutres couvert de poudre. Les espaces verts. C'est vrai que j'en ai rien à foutre car je suis là pour gagner ma croûte. On m'appelle le soldat, sans paix sur le dos, nourrir toute une mifa. En vérité, y'a que les potos qui m'appellent, ceux qui connaissent mon zebra. Pas ceux qui ont cru que j'avais troqué ma nuit pour un psté, toi. On nous appelle de tellement de manières. Mais rien ensemble à celui que nous ont donné nos mères. On m'appelle de tellement de manières. Des fois j'en perds mes bonnes manières. Je serai dans un coin, vénère contre son prochain. Et voilà comment cette nouvelle ère, nous construisons nos chemins. Je m'appelle El Grigo, quand je sors au préor, genre de 3 potos, genre de 3 numéros. Pour ceux qu'on croit qu'on vit toute année, on se pose. Crois-moi, ce n'est pas tout repos. On m'appelle Lotos, quand je porte moi la nation, grand dans une trace, des faudes. On m'appelle le petit homme, parce que mon père ne fait plus partie de ce monde. Je porte la famille sur les épaules. On m'appelle l'acteur, on dit que je joue bien mon rôle dans le secteur. On m'appelle Nels, pour ceux que j'infectionne dans mon cœur. Je fonctionne avec la rancœur. On m'appelle le vengeur, parce que j'ai une soif de terreur. Dans le biche, je prends l'air, on fait pas la biche, je suis lover. On m'appelle, des fois on m'appelle pas. On m'appelle et je réponds ma ville, Mirandella. On m'appelle étranger. Chez moi on voit qu'une à deux fois par année. On m'appelle le galérien tellement le seul je le connais par cœur. Je regarde les étoiles, voilà se réchauffe un peu mon cœur. On m'appelle le glacier car tout ce que je touche finit comme le jour d'après. On nous appelle de tellement de manières. Mais rien ensemble à celui que nous ont donné nos mères. On m'appelle de tellement de manières. Des fois j'en perds mes bonnes manières. Je serai dans un coin, vénère contre son prochain. Voilà comment dans cette nouvelle ère nous construisons nos chemins.